بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Par les forces des anges qui arrachent violemment les âmes des infidèles, par celles qui, avec douceur, libèrent les âmes des pieux, par celles qui voguent à toute vitesse, par celles qui devancent toutes les forces démoniaques, par celles qui gèrent l'organisation du monde. Le jour où la terre subira une forte secousse, aussitôt suivie d'une autre. Ce jour-là, certains auront les cœurs épouvantés, les regards baissés. Ils s'interrogeront, serions-nous ramenés au point de départ après avoir été réduits en ossements ? قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Ce serait pour nous un retour désastreux. Il n'y aura alors qu'un seul cri. Et tous les enterrés reviendront à la surface de la terre. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ô prophète, as-tu reçu le récit de Moïse lorsque son Seigneur l'interpella dans le vallon sacré de Toa? اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Il lui ordonna d'aller chez Pharaon dont la tyrannie dépassait les limites et de lui dire, veux-tu devenir un homme sage afin que je te guide vers ton Seigneur pour que tu le craignes. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Moïse lui présenta le grand signe miraculeux, mais Pharaon se rebella et s'obstina. Puis, il se retourna vers ses hommes, il les rassembla en leur proclamant « Je suis votre maître suprême ». Mais Allah lui a infligé le châtiment dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Il y a là une leçon pour tous ceux qui redoutent la colère divine. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Dis aux infidèles, êtes-vous plus difficile à créer que le ciel ? Or, Allah l'a édifié. Il a élevé sa voûte et organisé sa structure. Il a rendu ses nuits sombres et ses journées claires. Puis, il a aplani la terre, il en a sorti de l'eau et de l'herbe, les montagnes, il les a implantées au profit des hommes et de leurs animaux. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Lorsque la grande catastrophe arrivera, ce jour-là, l'homme se rappellera tout ce qu'il s'est efforcé d'accomplir. Quand l'enfer sera dévoilé devant tous. Les infidèles qui auront dépassé les limites et qui auront préféré la vie d'ici-bas seront destinés à l'enfer. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Quant à ceux qui auront redouté de comparaître devant leur Seigneur, qui auront fait preuve de retenue devant leur penchant, ils seront destinés au paradis. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Les infidèles t'interrogent sur l'heure du jugement. À quand son avènement? Quelle connaissance en as-tu pour l'évoquer? Son avènement n'est connu que de ton Seigneur. إنما أنت منذر من يخشاها. Tu es seulement chargé d'avertir ceux qui en redoutent l'avènement. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, ils croiront n'être restés dans leur tombe qu'une simple soirée ou une simple matinée.